Toi qui n'as pas vécu la vie que tu vivais et qui croyais savoir les choses que tu savais, tu n'as pas vu que la vie ne veut se donner qu'à ceux qui pleurent, qu'à ceux qui aiment ou ont aimé. Si tu te refuses à la passion, tu perdras la déraison. Si tu te refuses à la passion, tu perdras la déraison. Rien ne fait plus mal que la blessure d'un amour qui se fracture et d'un cœur à l'abandon. Ouvre ta porte, mon amour, laisse-toi aimer. Pourquoi soustraire? C'est tellement mieux de partager. Crois-tu vraiment que ce soit l'heure de demander s'il faut partir et pas souffrir ou bien rester? Si tu te refuses à la passion, tu perdras la déraison. Tu perdras la déraison. Si tu te refuses à la passion, tu perdras la déraison. À gozar! La blessure d'un amour qui se fracture et d'un cœur à l'abandon. Ouvre ta porte, mon